s'est élevée à travers les mondes. Les noms des dictateurs, les noms des rois, les noms des empereurs très célébrés, les noms des généraux, des maréchals, les noms des philosophes, des hommes de science. Mais le monde est toujours dans les chaos. Il s'est élevé à travers les mondes, les noms des dictateurs, les noms des rois, les noms des empereurs très célébrés, les noms des généraux, des maréchals, les noms des philosophes, des hommes de science. Mais le monde est toujours dans le chaos. Mais le nom de Jésus-Christ est au-dessus. Jésus-Christ, le roi des rois, il est plus haut. Tout genou doit fléchir devant lui. En ciel et sur la terre, même sous la terre. Jésus-Christ est roi. Alléluia, amen. Il peut me sauver. Alléluia, amen. Jésus m'a guéri. Alléluia, amen. Il s'est annoncé à travers le monde les noms des maladies incurables. Maladies comme le sida qui n'épargne pas. Maladies comme le cancer, la cirrhose de foie. Maladies comme le cardiaque qui donne la mort. Maladies comme le prostate qui donne la mort. Mais le sang de Jésus-Christ les guérit bien. Il suffit d'avoir la foi, l'on est guéri. Jésus dans sa pharmacie, c'est maître sûr. Nous donnons gratuitement tous les produits. Jésus m'a guéri. Alléluia, amen. Jésus m'a guéri. Alléluia, amen. Jésus m'a sauvé. Alléluia, amen. Je suis bien guéri. Alléluia, amen. Il est mort pour ça. Alléluia, amen. Il est mort pour ça. Alléluia, amen. Il est le tout puissant, il est au-dessus de tout. Oh, le roi, le roi. Jésus m'a guéri. Alléluia, amen. Je suis bien guéri. Alléluia, amen. Jésus m'a guéri. Alléluia, amen. Guéri des sida. Alléluia, amen. Guéri des tubers. Je suis bien guéri. Alléluia, amen. Guéri des sida. Alléluia, amen. Je suis bien guéri. Alléluia, amen. Oh! Na sepelaka ndeko komoke ko pesa litatu lo ba fe. Nazala ki na sida na bigisa. Oyo mutu lo bigisa te, il guéri tout. Ya wana tangu nyoso na yemba kanze ko na kanisa kande ko oyo. Il était guéri du sida. Je suis bien guéri. Alléluia, amen. Guéri du sida. Alléluia, amen. Oh, alléluia. Gloire à l'Éternel. Les noms des généraux, des maréchals. Mais le monde est toujours dans le chaos. Mais le nom de Jésus-Christ est au-dessus. azali mokonzi yangwana na tonda kaya mingi pwete mokolo ya koyana Yesu piste d'atterrissage na ye apone kozaneli kolo na mabelete pwete sokeza la ke Yesu akwa atterrir na aeroport soki wapi ya monde place mini biso ba kretien tokozala foto ya mbaye avion nini po kanisa biso ba kretien toza boni na monde batu na mokili soki yaso ya kokita na avion po ba foto ya mbaye place ezalaka pwete avion ekita espace ezalaka mekoya ya Yesu erezume ekozala likolo mpo na koloba te moko akokani na bokonzi ya Yesu azali te na mokili oyo Jésus est Seigneur, alléluia, amen. Il est bien Seigneur, alléluia, amen. Il est souverain, alléluia, amen. Il est souverain, alléluia, amen. Jésus est puissant, alléluia, amen. Il est bien puissant, alléluia. Hey. Sate ndimela kaka kombo na ye na mapipi na ye de tozali kobikisama de pharmacie o wapi nazali koloba ki sezali gratuit je suis bien guéri alléluia amen je suis bien guéri alléluia amen oh alléluia yemba maladi oza na ngo pendima e ki okobikisama Gloire à l'Éternel.